Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les bâtisseurs de cathédrales ou le début du phénomène des architectes. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Le président français Emmanuel Macron, le 16 avril 2019, au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce tragique incendie de Notre-Dame nous a à la fois rappelé le génie des bâtisseurs de ces grandes cathédrales du Moyen-Âge, en même temps qu'il nous a aussi montré la fragilité de leur chef-d'œuvre. Mais qui étaient ces grands maîtres à l'origine des cathédrales du Moyen-Âge, ces architectes que se disputaient les grandes villes d'Europe du temps et qu'on qualifierait probablement aujourd'hui de star-architectes? Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains, les poètes et les troubadours. Leurs connaissances, elles n'étaient absolument pas théoriques, elles étaient avant tout pratiques. C'est-à-dire que le futur architecte, très jeune vraisemblablement, devait se mettre au service d'un autre architecte, d'un maître, qu'il suivait dans ses déplacements et dans ses constructions. Et c'est là, dans la loge même, à l'intérieur de cette loge, en contact permanent avec les maçons, les maîtres maçons, qu'il a appris son métier. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, dès le XIIIe siècle, on voit des sortes de carnets, des croquis, qui commencent à circuler de maître à élève et qui permettent de répandre à travers une partie de l'Europe ces connaissances. On en a un exemple en France avec ce fameux album de Villard de Honnecourt, du début du XIIIe siècle, où on voit cet architecte qui s'est baladé à travers toute l'Europe, faisant des relevés et peut-être même construisant. Mais sur le plan technique, nous avons une connaissance très, très médiocre de leur façon de travailler. Il est venu le temps des cathédrales. Vous aurez sûrement reconnu la chanson « Le temps des cathédrales », série du spectacle « Notre-Dame de Paris ». Vous entendiez également dans cet extrait l'archéologue Alain Erland Brandenburg à l'émission « Les grandes religions » diffusée en 1979 pour nous parler de ces bâtisseurs des grandes cathédrales du Moyen-Âge, parmi lesquelles se détachent quelques grandes figures. Mon invité est Jean-Sébastien Sauvé, qui est médiathécaire à Radio-Canada, historien de l'architecture, spécialiste de l'architecture gothique du Moyen-Âge. Jean-Sébastien Sauvé, bonjour. Bonjour. Les architectes dont on va parler au cours de cette émission seraient probablement aujourd'hui considérés comme des star-architectes. C'est probablement Moyen-Âge d'ailleurs, vous me corrigerez, mais que commencent, qu'arrivent ces grandes signatures, ces grands maîtres qui seraient aujourd'hui considérés comme des star-architectes. Avant d'aller plus loin, peut-être nous dire de quoi on parle de fait quand on parle de star-architectes. Donc le star-architecte, c'est un mot valise évidemment qu'une histoire et architecte. Ce sont des architectes populaires qui exercent leur métier internationalement. Leurs œuvres sont convoitées par plusieurs villes, par plusieurs commissaires, afin d'avoir un élément de prestige dans leur ville. C'est des personnes très médiatisées, c'est des personnes qui connaissent très bien les médias aussi pour aller faire quelques rencontres avec les journalistes ou les critiques et le public. Des gens qui ont une signature aussi. On reconnaît leurs immeubles. Tout à fait. Donc, il y a un dessin architectural ou il y a un geste architectural qu'on peut toujours reconnaître sur un architecte. Pensez à, je ne sais pas, au musée juif de Berlin de Libeskind. Ben, si vous allez à Toronto, au musée royal de l'Ontario, vous pouvez voir évidemment dans le cristal des formes qui sont inspirées du musée de Berlin et vous pouvez faire des rapprochements faciles. Donc l'œuvre de Libeskind, par exemple, c'est un grand architecte. On a aussi un architecte chez Frank Gehry. Gehry, on a genre nouvelle, vous pouvez en nommer, c'est les grandes figures de l'architecture. Ouais. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est abusif de dire au Moyen Âge comment ce qui va ressembler? Est-ce qu'il y a déjà des architectes, évidemment tout étant relatif, mais dans quelle mesure ces grands maîtres, par exemple, pour revenir à notre sujet, qui vont construire ces cathédrales du Moyen Âge, peuvent être considérés, Jean-Sébastien Sauvé, comme des architectes à leur manière. Tout à fait. Donc, c'est un concept, le architecte médiéval. Ça a été proposé d'abord par Peter Kuhrmann, un grand éminent historien de l'art suisse, qui racontait. Donc, en fait, on a tout le temps l'impression que les bâtisseurs des cathédrales, c'est des gens anonymes. On ne les connaît pas. Bon, c'est clair qu'on ne connaît pas le nom de tous les tailleurs de pierre qui ont travaillé à Notre-Dame de Paris, par exemple. Mais néanmoins, on a beaucoup de documents qui nous permettent d'identifier les maîtres de chantier, les maîtres d'œuvre, qui viennent des personnalités. Et donc, le phénomène va commencer, bon, je vous dirais, au début, au 11e, 12e siècle, on connaît rarement le nom de ces gens-là. On connaît plutôt celui des commissaires, qu'ils soient évêques, rois, empereurs. Ouais. Mais plus tard, vers le 13e siècle, on commence à avoir des documents et plusieurs preuves de leur passage dans les différents chantiers d'Europe. Et là, on se rend compte que plusieurs de ces figures-là circulent, voyagent, sont très prisées. Et là, au 15e siècle, on s'arrache carrément certains architectes qui vont être très grassement payés pour construire des tours ou des cathédrales ou d'autres types de constructions dans plusieurs villes. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on le voit déjà, les Renzo Piano aujourd'hui, Jean Nouvel, qu'on va chercher, ça existait, 13e, mais surtout à partir du 15e siècle. Tout à fait. Ah, voilà, Meister Erwin Werkmeister. Eh bien, voilà, c'est la première fois qu'apparaît le nom d'Erwin sur un document d'archives. Et en plus, il apparaît comme Werkmeister, c'est-à-dire comme responsable du chantier de la cathédrale. Nous sommes en 1284 et c'est la première fois qu'on a un nom attesté d'architecte pour la cathédrale de Strasbourg. Et on peut imaginer que ce jour de la Saint-Gall, le 16 octobre 1284, il est allé à la chancellerie de la ville pour conclure cet accord et après, il est retourné travailler sur le chantier de la cathédrale. Erwin est présent sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg qui est l'un des grands chantiers gothiques de la région. Alors évidemment, on n'a pas confié cette charge à un novice ou à quelqu'un qui n'avait pas la compétence reconnue pour mener les opérations. Il faut bien voir que ces maîtres d'œuvre, au Moyen Âge, ne sont pas très nombreux et on se les dispute parce que cette compétence est finalement assez rare. Mais au fond, si on sait qu'il était ici, à Strasbourg, maître d'œuvre du chantier de la cathédrale, qu'est-ce qu'il a fait exactement sur ce chantier? Et finalement, qui était ce Erwin? L'archiviste paléographe Benoît Jordan dans le documentaire « Les défis des bâtisseurs, la cathédrale de Strasbourg » réalisé par Marc Jampolsky et diffusé à la chaîne Arte en 2012. Erwin von Steinbach est donc le premier bâtisseur de cathédrale, cet architecte dont on va parler aujourd'hui, Jean-Sébastien Sauvé. Je vous pose la question qui était déjà soulevée dans cet extrait. Qui est donc cet Erwin? Donc, c'est le maître d'œuvre, comme l'a mentionné M. Jordan, de la cathédrale de Strasbourg, qui était l'auteur finalement des premiers plans, des premiers dessins de la façade occidentale. Si vous êtes allé à Strasbourg, devant la cathédrale, donc elle est en grès rose, et vous avez devant vous une immense construction, donc c'est un massif occidental plutôt qu'une façade, mais qui se désintègre. Donc elle a une dentelle de pierre devant sa structure qui fait en sorte qu'on ne voit plus la massivité de la pierre, mais tout devient sculpture. Ouais. Et donc c'est ça la grande nouveauté de Maître Erwin. Et sa présence à Strasbourg était attestée par des documents déjà en 1284, mais on savait déjà qu'il construisait la façade dès 1277. On a plusieurs documents, on a un contrat entre autres, des inscriptions un peu partout. Et il se promenait, il était quand même assez original, Maître Erwin, et donc il pouvait aller proposer dans d'autres chantiers de cathédrales quelques plans originaux. Avec cette signature, ce trait particulier dont vous nous parlez à Strasbourg, j'imagine que ça faisait partie de ce pourquoi on s'intéressait à lui. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que déjà, il va donc remporter un concours à Strasbourg. Donc, il y a déjà des concours à ce moment-là. Oui, et étonnamment, ces concours-là diffèrent très peu des concours d'architecture actuels. Donc, ce sont, on s'entend, des commissions très prisées, ce sont des postes très prisés. On se rappelle que dans la ville médiévale, l'artisan le mieux payé et le maître d'œuvre. Ouais. Donc, le maître d'œuvre, tout le monde veut avoir ce poste-là. C'est un poste à vie. Et aussi, vous pouvez recevoir quelques primes. Je pense à des oies à Pâques ou ça peut être de la choucroute et des choux ou même du pain d'épices à Noël. Ouais. Donc, les maîtres d'œuvre se présentaient au concours en présentant des dessins. Donc, c'était les dessins, comme c'est le cas encore aujourd'hui, où ils proposaient au commanditaire, qu'est-ce qu'il était pour construire pendant son mandat. Mm-hmm. Il fallait que le dessin corresponde en fait à ce qui avait été fait avant, afin que ça s'harmonise bien avec la construction déjà présente, mais démontre aussi une certaine virtuosité de l'originalité. Oui. Et c'était le cas avec, évidemment, Maître Ervin, où ce ne serait pas étonnant que plusieurs personnes se soient présentées. Et il a présenté son plan de façade et c'est lui qui a obtenu le poste, oui, parce que c'était le meilleur et le plus intéressant. Oui. Cela dit, il a fait tout est relatif, mais sa grande réalisation, c'est la cathédrale de Strasbourg. Pourtant, on en parle aujourd'hui. C'est l'une des trois figures que vous avez retenues comme étant vraiment... Il y en a d'autres, mais les trois figures que vous avez choisies aujourd'hui sont celles qui se sont distingués, là, les grands maîtres des cathédrales du Moyen Âge. Il en a fait, en gros, une grande réalisation, Strasbourg. Pourquoi il passe à l'histoire? Il devient cet architecte. Il devient cet architecte aussi. Il a construit, on pense, dans le groupe de recherche où j'ai travaillé en Allemagne, qui était spécialisé dans les dessins d'architecture gothique. On lui attribue aussi une flèche désintégrée. Donc, c'est ça, sa marque de commis. Il désintègre la matière qui est en pierre. C'est ça qui est ironique. Donc, il a fait la flèche de Fribourg-en-Brisgau, qui est considérée comme étant la plus grande flèche ou l'une des plus tôt. Et donc, pas la plus grande flèche au point de vue de la taille, mais au point de vue de son importance, parce que c'est elle qui va donner l'exemple pour toutes les autres flèches à venir, donc, ouais, incluant celle de la cathédrale de Cologne. Donc, c'était quelqu'un dont l'œuvre a rayonné énormément. Et on a pas mal de témoignages, que ce soit dans les chroniques médiévales ou même beaucoup plus tard, de l'importance de Maître Ervin. On lui a attribuait même la cathédrale au complet, alors qu'il ne fait que la partie inférieure de la façade occidentale. Et le grand culte d'Ervin est venu avec Goethe. Oui. Goethe a étudié le droit à Strasbourg et devant la cathédrale, il s'était exclamé en disant que c'était une grande œuvre. Il a écrit même un premier texte qui s'appelle « Von Deutschen Baukunst », qui, on dit que c'est la première thèse, si vous voulez, d'histoire de l'architecture, et dans laquelle... il disait que c'était l'incarnation même du génie médiéval allemand. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, parce, ouais, qu'au fond, oui, il est connu, Ervin, de son vivant. Oui, on va le chercher. Différentes villes européennes lui offrent des contrats. Mais dans son cas, ça, c'est intéressant, c'est au 19e siècle, par Goethe, qu'il va vraiment devenir la légende qu'il est devenu. Oui. Ça, c'est intéressant. Il va même se retrouver à Valhalla, près de Ratisbonne, qui est l'espèce de panthéon allemand. On va le retrouver dans... On va lui créer une fille, Sabine, puis on va me faire des pièces de théâtre sur elle. C'est hallucinant ce qu'on pouvait faire avec Ervin von Steinberg. Deuxième cet architecte du Moyen Âge au programme de notre émission aujourd'hui, Peter Parler. De quelle manière il se distingue? Qu'est-ce qui fait de lui un cet architecte? Et Peter Parler, lui, de son côté, a révolutionné l'architecture gothique pendant la seconde moitié du 14e siècle. Donc là, on est à Prague. L'empereur Charles IV installe donc la cour impériale à Prague. Il demande, il a passé sa jeunesse à Paris, donc il veut construire dans le château de Prague une cathédrale qui est tout bonnement française. Il fait venir un architecte français, Mathieu d'Arras, qui lui construit, qui débute la construction d'une cathédrale très belle, très française même. Et Mathieu d'Arras va décéder en 1352, au moment où on va appeler de Cologne Peter Parler, qui n'avait que 23 ans. C'est très jeune pour prendre la tête d'un chantier. Donc déjà, il y a un signe de virtuosité qui est là. Et Peter Parler, son génie, on parle même en spécialiste de style parlérien, donc c'est un abus de langage pour style, mais il a donné naissance à un style tout spécial. Donc il a déconstruit l'architecture gothique pour lui donner un peu plus d'uniformité. Donc on n'avait plus la voûte sur croisée d'ogives, par exemple, on va décroiser et on va faire crocher, hein, si vous voulez, les nervures de la voûte pour lui donner un peu plus d'uniformité. Oui. Il va jouer beaucoup avec les jeux de remplage, il va le jouer aussi avec les structures des arcs-boutants en ôtant des parties qu'on jugeait jusqu'alors essentielles, mais finalement, c'est qu'on ne comprenait pas vraiment comment fonctionnait l'arc-boutant. Et donc, ça crée beaucoup d'effets, à un point tel que tout le monde voulait avoir son petit bout de Peter Parler. Oui. Il a eu des fils et ça a généré une dynastie. Son fils Wenzel, par exemple, va devenir maître d'œuvre de la cathédrale de Saint-Étienne de Vienne. Oui. Et pour parler de ce qu'il fera à Prague, bien sûr, il va compléter la cathédrale du château, mais le Pont-Charles, il y a apparemment beaucoup d'auditeurs qui... Coutna-Aura aussi, oui. Sainte-Barbe. Donc, ces fameuses tours aux extrémités du Pont-Charles, c'est lui. Donc, lui, on lui a début, à cause de la voûte, la forme de la voûte à l'intérieur reprend un peu la forme de la voûte qui est à l'intérieur du cœur de la cathédrale de Prague, tout à fait. Et le centre de Prague aussi, le vieux centre historique, c'est, sa marque, elle est là aussi, un peu partout. Un petit peu, oui, on peut la voir dans certaines voûtes, en effet. On peut penser, entre autres, à la synagogue Vieille Nouvelle, où là, on a un effet de voûte qui est largement inspiré de ce qu'on avait au château. Troisième cet architecte du Moyen-Âge au programme de l'émission, Ulrich von Enzingen. Et vous, qui êtes-vous? Messager de la ville de Strasbourg. Et que me veut-il, le messager de Strasbourg? Eh bien, on me charge de vous proposer la maîtrise du chantier de la cathédrale. La cathédrale? Maître Ulrich, une affaire urgente sur le chantier. Plus tard, les urgences! Alors, mon ami, dites-moi davantage. Je sais que Strasbourg a fait le choix d'une façade pleine. Bien, quoi qu'on puisse en débattre. Que voudrait-on y ajouter, maintenant? Une tour, maître. Montée directement sur le massif occidental. Je suppose qu'il s'agit justement de combattre la façade et de rétablir la verticalité du monument. Alors il la faudra très haute, cette tour. Oui, très haute. À nouveau, un extrait du documentaire « Les défis des bâtisseurs, la cathédrale de Strasbourg ». Alors, avec cette figure d'Ulrich von Enzingen, on se rapproche vraiment, Jean-Sébastien Sauvé, du star-architecte, mais tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Tout à fait. Donc, toutes les villes s'arrachaient. Ulrich von Enzingen, tout le monde voulait avoir une tour d'Ulrich von Enzingen à l'époque. Lui, c'est vraiment un spécialiste de la tour. C'est un spécialiste de la tour. C'est un bon timing. En fait, tout le monde était rendu, j'imagine, à construire une tour. Il y avait un concours de hauteur de tour, par ailleurs, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il a commencé à Ulm, pour laquelle il avait prévu construire justement une grosse tour. Et tout en participant au chantier Ulm, il est parti à Milan. Donc, il accumulait les chantiers auxquels il participait. Il est allé à Esslingen, qui est tout près de Stuttgart. Et en 1399, il est devenu maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg, et où il a construit les débuts d'une tour qui ressemble aux formes employé par Peter Parler à Prague dans sa propre tour parce que Peter Parler était son maître. Ouais. Donc, on pense qu'il y a quand même un lien de filiation ici. Et donc, toutes les villes vont lui demander, donc à Ulrich von Enzingen, des dessins. Donc là, il a fait un dessin pour la cathédrale de Francfort sur le Main, celle de Bâle, et tout le monde voulait une tour. Donc, il était très sollicité, très bien payé, et il accumulait les chantiers, il voyageait énormément. Vous le disiez un peu plus tôt, puis vous l'évoquez à l'instant, ces gens-là sont des stars, vraiment. Le mot star-architecte n'existe pas, mais ils ont des conditions qui ressembleraient un peu à... et qui dépassent même celles qu'ont les star-architectes aujourd'hui. C'est des gens qui sont très, très bien considérés, très, très bien payés. À quoi ça ressemble concrètement la vie de ces maîtres d'œuvre, de ces star-architectes de l'époque? Donc d'abord, les maîtres d'œuvre ont un training de tailleur de pierre et éventuellement de contremaître, de parlier. Le nom de Peter Parler, d'ailleurs, vient de Parlier en passant. Donc, c'est vraiment le contremaître, celui qui va faire la courroie de transmission entre les tailleurs de pierre et le maître d'œuvre qui est au-dessus. Et le maître d'œuvre, son emploi, finalement, c'est de faire le grand dessin de la construction à venir. Et il peut être partout. En fait, Frank Gehry, lorsqu'il dessine sur une napkin en restaurant, voici le musée de Bilbao, mais il le donne ensuite aux gens de sa loge, si on veut, donc de sa firme d'architecte, pour qu'ils le traduisent pour le contremaître qui va le construire sur le chantier. Et c'est la même chose au point de vue de l'architecture du Moyen-Âge. Donc, on a le star-architecte qui va faire ses dessins, comme Ulrich von Enzingen. Et c'est un poste, évidemment, très bien rémunéré avec tout ça. Donc, il pouvait accumuler énormément d'argent. L'âge d'or des grands bâtisseurs de cathédrales, vous le situeriez où, à peu près? Donc, vraiment, le début de la cathédrale gothique, on parle de la première cathédrale de gothique, c'est la cathédrale de Sens, là. On parle vers 1130. Les gens parlent de Saint-Denis, mais je rappelle que Saint-Denis était une abbatiale, donc ce n'était pas une cathédrale. Donc ça, on peut dire que la première vraie cathédrale gothique était Sens, mais est devenue très populaire. Donc le temps des cathédrales, 13e siècle, là, on en a beaucoup en France, un peu plus tardif en Allemagne, un peu plus tardif aussi en Angleterre, et un essoufflement graduel à venir au 16e siècle, l'arrivée de la réforme, voilà. Il y avait moins de dons, les indulgences et tout faisaient en sorte qu'il y avait un désintéressement. Et en plus, donc les Italiens avec le Quattrocento, bon, tout le monde voulait imiter un petit peu les Italiens, donc la Renaissance arrivait graduellement. Donc on voit des espèces, donc vers la fin de l'architecture, la fin des grandes cathédrales, vous pourrez regarder entre autres l'église Saint-Eustache à Paris, qui n'est pas une cathédrale, qui est une église paroissiale, mais néanmoins, c'est la jonction des deux, donc on voit une architecture très gothique, ouais. Mais les détails sont très classiques à l'italienne. Donc, des petites colonnes et autres. Donc, on a un hybride entre les deux. Face à Notre-Dame, cet après-midi, le débat est dans toutes les têtes. Reconstruire, oui, mais comment? L'identique, ça me paraît difficile. Je pense qu'il faut faire une structure de toiture plus d'époque actuelle. Moi, je mets une charpente en béton. Ouais. Respecter l'histoire tout en modernisant, le débat est ouvert aussi parmi les architectes. Jean Nouvel estime qu'il faut reconstruire à l'identique, notamment les charpentes en chêne, mais qu'il faut aussi accepter un certain renouvellement. Une cathédrale, c'est toujours une sédimentation. C'est toujours une série d'actions qui, petit à petit, ont constitué ça. C'est un enrichissement permanent. Je ne sais pas ce qu'on va inventer, mais sûrement qu'on va inventer quelque chose et qu'il faut inventer quelque chose. Les monuments historiques ne sont pas faits pour être embaumés, ils sont faits pour continuer à vivre. Alors, on boucle la boucle avec ce reportage de Pierre Galassio diffusé à TF1 le 18 avril 2019. Ça nous ramène évidemment à ce terrible incendie de Notre-Dame de Paris. La cathédrale doit être maintenant reconstruite ou plutôt restaurée, comme elle l'avait un peu été d'ailleurs avec Viollet-le-Duc, en partie en tout cas au 19e siècle, Jean-Sébastien Sauvé. Parlons justement de Viollet-le-Duc, mais de ces autres restaurateurs qui vont avoir une influence très, très grande, Viollet-le-Duc sur Notre-Dame, mais il y en a d'autres ailleurs. Qui étaient ces gens-là et quelle a été leur importance? Tout à fait. On peut nommer ici Paul Abadie ou Jean-Baptiste Lassus, qui a travaillé d'ailleurs avec Viollet-le-Duc au terrain de Notre-Dame en 1843. Mais c'est des personnes vraiment qui connaissaient. Je peux parler plutôt de Viollet-le-Duc dans ce cas-ci, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas étudié l'architecture à l'École des beaux-arts. Ce n'était pas, et ça lui a été reproché toute sa carrière. C'était vraiment quelqu'un qui a appris par le dessin. Il a énormément observé les ruines et aussi les monuments français. On a fait des croquis pour essayer d'en comprendre le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'il a sauvé Notre-Dame de Paris, qui était presque en ruine lorsqu'il l'a reçue au 19e siècle, avec des détails archéologiques qu'il a remis au goût du jour. Il a pu, on peut dire, reconstruire certaines parties de Notre-Dame pour en solidifier la structure. Sans lui, Notre-Dame se serait tout simplement effondrée. Oui. Et le débat actuel qui est un peu évoqué dans ce reportage sur la restauration de Notre-Dame, est-ce qu'il faut la refaire un Notre-Dame, une cathédrale Notre-Dame à l'identique ou pas? Viollet-le-Duc, par exemple, quand il prend Notre-Dame en main au 19e siècle, dans quelle mesure il remet à l'État ou dans quelle mesure il réinvente Notre-Dame? Voilà, donc à partir des observations archéologiques qu'il a faites, bien, il a réinterprété et a créé une Notre-Dame, finalement, un peu factice, qui n'existe pas dans cet état-là. Ouais. Mais peut-être valait-il mieux ça à l'époque que d'avoir aucune Notre-Dame du tout. Ouais. On peut se poser la question. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer ça. Donc, à Toulouse, pour l'église de Saint-Cernin, l'église romane Saint-Cernin, on a décidé de retourner à l'État avant Viollet-le-Duc pour ôter toutes ces interprétations-là, pour retrouver un semblant d'originalité ou de la structure. Mais en fait, on n'est pas mieux que Viollet-le-Duc, parce qu'est-ce qui nous dit que l'État qui a été restauré de l'État qu'on pensait d'être avant Viollet-le-Duc serait forcément mieux ou plus originel que l'État que Viollet-le-Duc a fait. Donc là, tout est à débat. Jean-Sébastien Sauvé, historien de l'architecture, aussi médiathécaire à Radio-Canada, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.